que... Attention que... Vite, il y a un super boss. Yeah, c'est Kirby. Et après qu'il a battu le boss, il prend son super bonus. Comme ça, il peut taper le super bloc. Et tu vas gagner plein d'étoiles.